Aujourd'hui, j'aimerais parler de la méditation en marche. Bien sûr, pour vous, cela fait longtemps que vous pratiquez cela, mais j'espère qu'il y aura tout de même des choses nouvelles pour vous dans cet enseignement, et aussi réentendre les choses déjà entendues peut aussi s'avérer utile. Donc dans le Mahasatipatthana Sutta, à l'intérieur de la partie qui concerne la contemplation du corps, Kaya Anupassana, il y a une section qui concerne les postures. Et on trouve là la phrase « Gachantova, Gachamiti, Pajanati », c'est-à-dire « Tout en allant, il sait, je vais ». Donc c'est la base pour la pratique, pour cette pratique de la méditation en marche. Donc la méditation en marche est faite en partie pour soulager la raideur, mais c'est surtout pour développer la méditation de l'attention. En réalité, donc, nous marchons, nous allons et nous revenons le long du même parcours, du même chemin. Donc c'est pas comparable à partir pour faire une promenade, par exemple. Aussi, comme nous avons deux jambes, nous devons nous concentrer alternativement sur une jambe et puis l'autre. Aussi, comme on doit justement alterner, changer la concentration d'une jambe à l'autre, cette méditation n'est pas aussi stable que l'observation du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen en posture assise. Et aussi, l'effort à fournir est plus grand. Alors, le Bouddha a énuméré 5 bénéfices de la pratique de la méditation en marche. Le premier des bénéfices, c'est Adanakamahoti, c'est-à-dire une personne qui pratique la méditation en marche aura de la vigueur qui lui permettra de faire des longs voyages à pied sans se fatiguer. Le deuxième avantage s'appelle Padanakamahoti, et donc Padana, c'est l'acte d'application de l'effort ou de l'effort ardent. Une personne qui pratique la méditation en marche développera une bonne capacité à l'effort. Marcher simplement marcher, c'est aussi un effort simple à fournir. L'acte de la marche, c'est un effort simple à fournir, mais en plus s'y ajoute l'effort mental d'être attentif à chaque pas ou à chaque partie du pas. Le troisième avantage, c'est Appabadohoti, cette pratique nous permet d'avoir moins de maladies. Si on reste tout le temps assis, debout ou couché, si on se contente de ces postures-là, il n'y aura pas d'équilibre dans les postures et la circulation du sang ne sera pas aussi bonne. Donc la méditation en marche amène naturellement une bonne santé. Alors les yogis devraient pratiquer suffisamment de marche afin d'avoir une bonne santé et d'être capable de développer la concentration, samadhi. Donc le quatrième bénéfice, c'est une bonne digestion. Si on pratique la méditation en marche, on aura une bonne digestion lorsque on mâche toutes sortes de choses, qu'on boit toutes sortes de choses, et qu'ensuite on ne bouge pas, l'intestin semble ne pas vouloir digérer, ne pas être capable de digérer. Donc on dit que qu'une bonne digestion préviendra même les petits problèmes comme un mal de tête par exemple. Il y a un dicton en Birmanie qui dit cela. Et du temps, dans l'ancien temps, quand les gens pratiquaient dans le but d'atteindre la libération, ils avaient l'habitude de toujours marcher après le repas. Donc, le cinquième bénéfice, c'est que la concentration qui est acquise au moment de la méditation en marche est durable, elle dure longtemps. Lorsqu'on marche normalement, on fournit un effort normal et aussi on y consacre une attention normal ou ordinaire, et le résultat c'est aussi une concentration ordinaire. ou normale. Lorsqu'on pratique Satipatthana, la méthode de Satipatthana, on doit fournir un effort ardent pour maintenir l'attention sur l'objet du début à la fin. Et de cette façon, l'attention devient ferme. Et peu à peu apparaît la concentration momentanée, Kanika Samadhi. Dans la marche, on observe le pas gauche, le pas droit, ou alors le lever, avancer, baisser, l'un après l'autre, et on doit constamment maintenir l'attention sur l'objet du début à la fin du processus. Et c'est un objet qui change, mais il faut maintenir l'attention sur l'objet. Et peu à peu, l'esprit va s'unifier sur l'objet. La concentration qui en découle n'est pas du tout une concentration ordinaire. On peut dire, enfin, on l'appelle Bhavana Samadhi. Et elle devient de, cette concentration devient de plus en plus puissante parce que à chaque fois, l'esprit apparaît avec le facteur mental de la concentration. À chaque fois, l'esprit apparaît en même temps que l'objet et avec le facteur mental de la concentration. Donc ce type de concentration s'appelle Kanika Samadhi et c'est un type de concentration qui ne s'efface pas facilement. Voilà, donc ça c'était les bénéfices qu'on peut retirer de la méditation en marche. Donc d'abord la capacité à faire un long voyage à pied sans se fatiguer, ensuite la capacité à fournir un grand effort, ensuite la réduction de... Enfin, la diminution de la tendance à contracter des maladies, ensuite l'aide apportée à la digestion, et enfin la capacité à développer une concentration durable. À présent, j'aimerais parler à propos de l'esprit et de la matière, comment ces deux éléments travaillent ensemble, collaborent, et à parler de cela dans le contexte, donc dans ce contexte ici de la méditation en marche. Comme vous le savez, le corps n'a pas de capacité à connaître. S'il n'y avait l'esprit qui était là, il serait incapable de faire quoi que ce soit, ce serait comme un cadavre. L'esprit, c'est cela qui sait, ou on l'appelle aussi la conscience. C'est cela qu'il sait, et en cela, il y a aussi d'autres facteurs mentaux qui savent, qui connaissent l'objet. Le mouvement du corps, on pourrait comparer cela à un ventilateur qui est alimenté par l'électricité, ou on pourrait comparer cela à une ampoule qui reste allumée parce que elle est alimentée par l'électricité. Dans le cas donc du ventilateur, si on l'allume, si on tourne l'interrupteur, il va bouger et il y a souvent aussi à côté de l'interrupteur, enfin un dimmer ou quelque chose qui permet d'ajuster la rapidité du ventilateur. Et donc, selon qu'on le tourne un peu ou complètement, les pales vont tourner lentement, normalement, à une vitesse normale ou rapidement. Et donc, il en va de même pour le corps. On revient maintenant à la méditation en marche. Comment est-ce qu'on doit pratiquer la méditation en marche? Lorsqu'on s'apprête à faire un pas, on doit placer fermement son attention, son esprit sur l'objet et pour voir comment il bouge. Et on devrait se déterminer à ne manquer aucun pas, à observer tous les pas. Aussi, on devrait avoir un sentiment de confiance que cette pratique va nous permettre d'acquérir la pureté de l'esprit, tout comme la méditation assise. Et on devrait aussi développer un zèle, une volonté de bénéficier, de gagner les bénéfices qu'on peut gagner avec la méditation en marche, car c'est une pratique qui est très utile. Donc nous devons nous déplacer un peu plus lentement, un peu plus doucement, et nous devons accorder la priorité à la conscience du mouvement. Nous n'avons pas besoin de prêter attention aux sons, aux objets visibles qui apparaissent, ni aux pensées. On peut laisser de côté la connaissance théorique qu'on a acquise soit dans des livres profanes, soit dans des livres de méditation. Et donc nous devrions appliquer l'effort et la capacité à viser l'objet sur la jambe. Alors il y a trois types de concentration dans la méditation en marche. On peut dire qu'il y a la concentration d'un niveau plus bas, où on se concentre simplement sur une note, où l'on fait une note par pas. Donc on peut dire que c'est le niveau grossier, la prise de note est plutôt rare. Ensuite il y a le niveau médian, où on fait deux prises de notes pour chaque pas, lever le pied et placer le pied. Et puis il y a, disons, la concentration de haut niveau, où l'on fait trois prises de notes par pas. Alors dans certains systèmes, on peut aller jusqu'à 6 prises de notes par pas, mais Upandita n'a jamais insisté sur cette pratique-là, où l'on observe 6 segments dans un seul pas. Donc le yogi devrait pratiquer en notant seulement pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche, ou bien marcher, jusqu'à ce que ça devienne facile, jusqu'à ce qu'il y soit accoutumé. Alors, cette vitesse, on devrait l'adopter après une méditation assise, parce que ça nous permet de relâcher les raideurs, et ça nous aide à développer la concentration d'une manière naturelle. Et on peut aussi marcher plutôt rapidement. À ce moment-là, on ne sera pas capable d'observer les détails, mais on peut observer d'une façon générale le mouvement. Lorsque vous ressentez que ça devient vraiment facile de noter simplement pas droit, pas gauche, vous pouvez passer à l'étape supérieure et noter 2 segments par pas, donc lever, placer. Et le niveau d'effort et de capacité à viser l'objet qui seront requis pour cela sera plus élevé. Mais on peut passer d'une étape à l'autre d'une façon rythmique et régulière. Alors lorsque faire 2 notes par pas deviendra facile, que vous y serez accoutumé, vous pouvez passer à 3 notes par pas. À ce moment-là, vous devez vous déplacer aussi lentement que possible, un peu comme si vous deviez manier une charrette avec des jarres remplies d'eau sur un terrain inégal. Et ce n'est que lorsque vous vous déplacerez lentement de cette façon, le plus lentement possible, que vous serez capable de voir les qualités matérielles et mentales qui sont impliquées dans le processus, et aussi la façon dont ces qualités sont liées entre elles comme cause et effet. Au début de la pratique, il est important d'apprendre la façon de développer ces trois types de marches d'une façon systématique. Certains professeurs enseignent même qu'il faut apprendre la première étape, donc pas droit, pas gauche, pendant une semaine. Mais vous pouvez aussi pratiquer pas droit, pas gauche pendant 30 minutes, les premières 30 minutes de l'heure de marche, et ne passer à la seconde étape que lorsque cette première étape est parfaitement maîtrisée. Lorsque vous savez à fond comment noter, comment faire cette pratique de une note par pas, À ce moment-là seulement, vous pouvez passer à la deuxième étape. Il en va de même pour passer de la deuxième étape à la troisième étape. Vous pourriez ainsi diviser une heure de méditation en 3 fois 20 minutes. 20 minutes pour la première étape, pas droit, pas gauche, 20 minutes pour la deuxième étape, levé, placé, 20 minutes pour la troisième étape, levé, avancé, placé. Ce n'est que lorsque vous saurez comment être attentif dans ces 3 types d'exercices que vous saurez lequel vous avez besoin dans une situation particulière. Ce n'est pas toujours le mieux n'est pas nécessairement d'aller lentement. Dans certaines situations, il peut être plus utile d'aller moins vite, le but étant de développer l'attention. Et si vous maîtrisez, si vous apprenez d'une façon systématique à maîtriser ces 3 types de marche, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez les utiliser pendant votre retraite de façon flexible. Alors, nous n'avons plus qu'un nombre limité de jours qui reste pour cette retraite. D'habitude, c'est au début de la retraite que je donne les instructions de commencer par les pas droits et les pas gauches. Mais évidemment, il y a des yogis ici qui ont déjà l'habitude de méditer et donc ils peuvent continuer comme à l'accoutumée, à pratiquer la marche comme ils en ont l'habitude. Néanmoins, il est bon de comprendre ce point, de comprendre l'utilité des 3 types d'exercices. Alors, comme je l'ai déjà dit, lorsque vous pratiquez 3 segments par pas, où il est important d'aller le plus lentement possible. De cette façon seulement, vous pourrez connaître l'esprit et la matière et la façon dont elles sont liées comme cause et effet. Sans l'esprit, le corps est comme sans vie. Donc l'intention est importante. Si vous avez l'intention d'aller lentement, vous irez lentement. Si vous avez l'intention de marcher de façon rythmique et régulière, vous marcherez de façon rythmique et régulière. Si vous avez l'intention d'aller vite, vous marcherez vite. Alors, quels facteurs sont nécessaires pour l'observation de la méditation, dans la méditation en marche? Alors, quels facteurs sont donc nécessaires pour observer? D'abord, l'effort qui va amener l'esprit au pas, ou alors au segment du pas, levé, bouger vers l'avant et placé. Et ensuite, la capacité à viser qui va veiller à ce que l'attention n'arrive pas à l'objet trop tôt ou trop tard, qui va rendre l'observation synchronisée, qui va synchroniser l'observation avec l'objet. Lorsque l'observation est précise, l'attention restera sur l'objet et ne va pas se mettre à courir dans tous les sens. Évidemment, au début, on manquera plus souvent l'objet qu'on ne le saisira, mais il ne faut pas se décourager. La pratique rend parfait, donc on doit simplement continuer à essayer. Lorsque la capacité à viser est déployée souvent, lorsque la capacité à viser est déployée souvent et atteint l'objet souvent, l'esprit va connaître soit la forme du pied par exemple, soit la manière, par exemple lever. Évidemment, c'est encore au niveau conceptuel, mais c'est ce niveau conceptuel qu'on essaye d'observer au début. Même si donc la capacité à viser est présente et que l'observation est précise, on ne connaîtra pas encore les qualités naturelles. On ne connaîtra au début que les concepts. C'est un peu comme lorsqu'on prend une bouchée de nourriture. Au début, on ne fait pas encore la distinction entre sa forme, sa manière, par exemple, si c'est croustillant, si c'est mou, et puis son goût. Le goût, étant ici les qualités naturelles. On ne les voit pas comme séparées, le tout est mélangé au début. Bien que il y ait à la fois l'esprit et la matière qui se produisent, on observe simplement un pas comme un pas. Il n'y a pas besoin dans l'immédiat d'une note plus précise. Et même si on ne parvient pas encore à voir la réalité ultime, si l'effort est déployé, on aura en tout cas, enfin on s'évitera en tout cas la somnolence et on s'évitera aussi de glisser vers les plaisirs sensuels, vers la colère ou la malveillance ou la cruauté envers les autres. L'esprit ne glissera pas vers ces choses-là. Alors lorsque l'esprit est orienté encore et encore vers l'objet, les pollutions mentales sont mises à distance. L'attention protège l'esprit. L'esprit devient clair, et une forme de confiance sereine apparaît qu'on appelle en pali passada sada. Donc l'attention protège l'esprit et l'esprit colle à l'objet, il pénètre l'objet d'instant en instant, il ne court pas à gauche et à droite, il reste unifié sur l'objet. Donc la concentration momentanée devient de plus en plus forte grâce à l'observation répétée de l'objet. Lorsque l'esprit donc possède une énergie ardente et lorsqu'il est capable de viser l'objet de façon précise, une méditation pure apparaît, un bhavana pur apparaît. Et lorsque cet esprit, cette concentration devient suffisamment forte, le yogi sait, par exemple, quand il lève le pied, que celui-ci devient de plus en plus léger ou qu'il est comme poussé par en dessous. Il est aussi conscient, il devient conscient de l'esprit qui sait et aussi de l'intention. Il commence donc à connaître les qualités qui sont réellement présentes. Donc ça, c'est une des façons dont on peut voir clairement le corps et l'esprit. Et aussi une façon dont on peut comprendre comment le corps et l'esprit sont liés entre eux comme cause et effet. Du fait de l'intention de lever le pied se lève et est comme poussé par en dessous. Et cette connaissance vient naturellement. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions, à propos duquel nous devrions penser ou nous soucier. Par contre, nous devrions nous soucier d'observer chaque objet avec effort et en le visant. Chaque objet, c'est-à-dire pas droit, pas gauche, levé, avancé, baissé, debout, tourné, ou bien à l'assise, soulèvement, abaissement. Comme le yogi applique l'effort et vise l'objet encore et encore d'une façon systématique, il va en retirer les bénéfices, et le premier des bénéfices, c'est que les pollutions mentales seront mises à distance. Le deuxième bénéfice, c'est qu'il en viendra à connaître l'esprit et la matière et la façon dont l'esprit et la matière sont liés comme cause et effet. J'espère que vous serez tous capables de mettre en pratique les instructions, de développer la connaissance, davantage de connaissances à propos au sujet de votre propre corps et de votre propre esprit. Que vous serez en mesure de savoir ce qui est réellement présent et que étape par étape, vous progresserez jusqu'à atteindre le Nibbana.